Et aussi pour pouvoir mettre les gens en garde contre ces choses. Et il ne lésine pas sur les moyens dans ce sujet. Car ceci est la voix des gens qui veulent le bien et ceux qui conseillent les gens. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a clarifié dans son noble livre que ceux qui veulent le bien et conseillent les autres n'hésitent pas à faire beaucoup d'efforts. Méditez avec moi sur ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre. Dans le verset 20 de sourate Yassine et sourate Qasas, il dit dans sourate Yassine: وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ. Un homme accourut du bout de la ville et dit: Ô mon peuple, suivez les messagers, suivez ceux qui ne vous réclament aucun salaire et qui sont bien guidés. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate Al-Qasas: وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُوا بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ. Un homme accourut au bout de la ville et dit: Moussa, les notables se concertent à ton sujet pour te tuer. Quitte la ville, je suis pour toi un conseiller sincère. Et le fait que ces deux hommes se trouvaient au bout de la ville ne les a pas empêchés de conseiller et d'avertir. Ensuite, il dit, rahimahullah, s'occupant de ses propres affaires et se souciant de réformer ce qui est corrompu de son affaire. En effet, le mémorisateur du Coran s'occupe de ses propres affaires et fait des efforts pour se réformer. Il regarde ses manquements envers Allah Azzawajal et craint d'être châtié dans l'au-delà, ce qui le pousse à se remettre sans cesse en question et multiplier les œuvres pieuses pour se rapprocher davantage d'Allah Azzawajal. Et il donne une attention particulière aux œuvres qui vont être la cause de sa réforme. Et parmi ses œuvres, on retrouve la lecture du Coran avec méditation. Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah nous dit à ce sujet: La anfa' lil qalb min qira'ati al Qur'an bit tadabbur. Il n'y a pas plus profitable pour le cœur que la lecture du Coran avec méditation. Fin de citation. Également, on retrouve l'étude de la science religieuse, et plus particulièrement la science du tawhid. Car comme vous le savez, le tawhid se divise en trois catégories: l'unicité de la seigneurie, l'unicité de l'adoration et l'unicité dans les noms et attributs. Et plus le serviteur étudiera l'unicité dans la seigneurie, plus il connaîtra les actions parfaites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Plus il étudiera l'unicité de l'adoration, plus il fera preuve de sincérité dans ses adorations. Et plus il étudiera l'unicité dans les noms et attributs, plus il se rendra compte à quel point Allah est immense et parfait. Et tout ceci sera une cause que son amour d'Allah subhanahu wa ta'ala augmente. Car plus tu aimes Allah, et plus tu ressens le besoin de te rapprocher de lui. Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah a dit: Al-mahabba asasul haraka. Il dit, Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah, l'amour est la base de tout mouvement. C'est-à-dire, ce qui pousse les gens à œuvrer et faire beaucoup d'efforts dans une chose, et l'amour qu'ils portent à son égard. Ne voyez-vous pas, par exemple, que ceux qui sont attachés à l'argent et qui l'aiment d'une manière démesurée sont prêts à tout pour obtenir de l'argent, quitte à dormir peu, voyager, user leur santé,

a été rapporté par un homme parmi les musulmans. Car que ce soit l'imam Ahmad ou l'imam Abu Daoud ou autre, ce sont des hommes parmi les musulmans. Donc il a voulu jouer de ça pour faire réagir les élèves et pour que le cours soit plus vivant. Et même lorsque les savants plaisantent, les étudiants en tirent profit. Prenons l'exemple de la plaisanterie de Cheikh Mourbi, rahmahullah. L'étudiant qui était présent et qui ignorait ce hadith, ainsi que son rapporteur, ne pourra pas l'oublier, incha'Allah. Car c'est probable que cette plaisanterie l'ait marqué. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde à Cheikh Mourbi ibn Hadi al-Wadi'i. Ensuite, il dit, rahmahullah, il a un visage avenant et dit de bonnes paroles. Tout musulman doit mettre en pratique ce comportement. Et plus particulièrement, celui qui mémorise le Coran. Il doit avoir un visage souriant lorsqu'il rencontre les gens. Comme c'était le cas de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il dit, il ne se vante pas de ce qu'il a. Alors que dire de ce qu'il n'a pas? La cause à cela est qu'il est modeste. Celui qui mémorise le Coran doit être modeste. Il ne se vante pas de ce qu'il a. Et n'aime pas qu'on lui fasse ses éloges. Car il sait ce qu'il vaut. Tandis que les gens ne savent pas. Il sait les péchés qu'il commet en secret. Alors que les gens ne savent pas. Il connaît ses manquements envers Allah Azzawajal. Alors que les gens ne savent pas. Par conséquent, il ne se vante pas et n'aime pas les éloges. Ensuite, il dit, rahmahullah, il prend garde contre lui-même, de crainte que son âme le domine sur ce qu'elle désire, dans ce qui courrousse son maître. C'est-à-dire qu'il prend garde à ce qui pourrait engendrer la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car ce qu'il a appris comme science risque d'être une cause que son châtiment soit plus douloureux que les autres. Car celui qui tombe dans le péché avec science n'est pas comparable à celui qui tombe dans le péché par ignorance. De ce fait, il prend garde contre lui-même et s'écarte des causes qui pourraient engendrer la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit, il ne calomnie personne. Il ne méprise ni insulte personne, car il préserve sa langue. Et il est trop occupé par la science pour se rabaisser à ce genre de choses. Car l'une des causes qui pousse les gens de nos jours à tomber dans la calomnie, le mépris et autres, est le temps libre. Celui qui occupe son temps par la science bénéfique et les bonnes œuvres n'a pas le temps. Au contraire de celui qui n'occupe pas son temps par la science bénéfique et les bonnes œuvres, il va souvent perdre son temps et s'adonner à de longues discussions qui peuvent parfois être licites au départ, mais qui vont souvent déboucher sur des discussions détestables, voire interdites. C'est pour cela que les savants nous disent « At-tawassu' » Fil kalam al-mubah, yu'addi ila al-kalam al-makruh. Les savants nous disent, s'étaler dans les discussions permises mène aux discussions détestables. Et tu retrouves souvent ce phénomène chez certaines femmes. Parfois, les discussions commencent avec les enfants, la cuisine, les appareils de la maison. Puis elle s'étale, et bifurque, et vont se mettre à parler de un tel, et de sa vie privée. Elles vont se mettre à dévoiler sa vie privée, parler du mari d'un tel, et autres. alors qu'à la base, elles étaient dans une discussion permise. Mais lorsqu'elles se sont trop étalées, elles ont fini par parler de choses interdites. Alors que celui qui occupe son temps par la science n'a pas le temps. Il n'a pas le temps pour s'étaler dans ce genre de discussion. Et de base, il les trouve même lourdes. Il préfère les discussions scientifiques, les assises de science, où on retrouve Allah a dit et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit. Ensuite, l'auteur nous dit, rahmahullah, il ne se réjouit point des malheurs des autres. Car parmi les caractéristiques de celui qui mémorise le Coran, on retrouve la miséricorde. Par conséquent, lorsqu'il entend que quelqu'un est touché par un malheur, il invoque en sa faveur. Et s'il peut l'aider, il l'aide. Car il connaît la grande récompense pour ceux qui viennent en aide à leurs frères et sœurs. Ensuite, il dit, rahimahullah, il ne transgresse contre personne, n'envie personne. Il n'envie personne pour plusieurs raisons. La première est qu'il se contente de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. La deuxième est que dans les choses mondaines, il regarde ceux qui sont en dessous de lui, conformément à ce qui est venu dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et troisièmement, car il a une bonne croyance concernant le destin. Car les savants nous disent qu'envier les gens est une sorte d'opposition au destin. Et les savants nous disent que l'envie est de 3 degrés. Le premier degré est que tu détestes le bienfait qui fut octroyé à autrui, même si tu n'espères pas que cet autre n'ait plus ce bienfait entre les mains. Le deuxième degré est que tu espères que ton frère n'ait plus ce bienfait. Et le troisième degré, qui est le plus grave, est que tu fasses les causes pour que cette personne n'ait plus ce bienfait, que ce soit par l'action ou la parole. Ensuite, il dit, rahmahullah, et n'a de mauvaise impression de personne, sauf de bon droit. Cette parole nous indique que certaines mauvaises impressions sont de bon droit. Et cette parole est prise du verset de Sourate Al-Hujurat, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit: Ya ayyuha alladhina amanu jtanibu kathiran min adh-dhann inna ba'da adh-dhann ithm. Ô vous qui croyez, éloignez-vous de nombre de conjectures, car certaines sont péchées. Et dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas interdit toutes les conjectures. C'est pour ça que l'éminent savant et Cheikh Al-Uthaymin, rahmahullah, nous dit en explication de ce verset qu'il n'y a pas de péché dans le fait de soupçonner celui qui est désigné clairement par des indices clairs comme coupable d'un mal. Et l'imam al-Bukhari, rahmahullah, a un chapitre dans son authentique intitulé « Chapitre « La permission d'avoir une mauvaise opinion de celui qui est entouré par les indices ». Ensuite, l'auteur nous dit, rahmahullah, il envie par science. L'auteur ici, rahmahullah, vise par cette parole l'envie permise, qui consiste à vouloir avoir un bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a octroyé à un de ses serviteurs. Et bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On continuera demain. Inch'Allah ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.